Chapitre 3e. Birgit Kübler était la patiente suivante. Elle se nommait en réalité Delmas de par son mariage, mais depuis longtemps tout le quartier lui donnait son nom de jeune fille ou l'appelait encore la Allemande ou la Boche. Elle avait rencontré son défunt mari lors de l'exposition universelle de 1900. Elle y avait accompagné son père, fabricant de mécanique de précision à Essen dans la Ruhr. Ce petit industriel avait eu des contacts avec Alain Delmas, un jeune ingénieur en mécanique fourmillant d'idées, et il ne fallut pas longtemps pour que s'établisse entre les deux hommes une solide collaboration, porteuse de projets novateurs et lucratifs. Birgit, qui allait sur ses 21 ans, jolie poupée aux cheveux blonds frisottés, des yeux de porcelaine bleue, fut d'emblée au goût du jeune ingénieur. Les Kübler furent reçus très cordialement dans la famille Delmas, et un séjour fut programmé pour qu'Alain se familiarise avec les ateliers du père Kübler. Après une fréquentation de bon ton, on signa un contrat de mariage, et Delmas entra dans le capital de la société Kübler, ses brevets sous le bras. La nouvelle entreprise Kübler-Delmas installa une succursale en banlieue parisienne, et le jeune couple se rendait très fréquemment à Essen. En 1914, aux premières rumeurs de guerre, dire que le ciel tomba sur la tête des deux familles est presque un euphémisme. Les informations devenant de plus en plus précises, on échafauda des projets aussi utopiques que désespérés, se cacher en forêt noire pour échapper à l'appel sous les drapeaux, expatrier toute la famille en Amérique, changer de nationalité. Mais transformer le capital en liquidité n'était une chose ni aisée ni rapide et le reste était irréalisable dans l'immédiat. Delmas se retrouva donc un beau matin sous l'uniforme français, se consolant à demi qu'il n'est pas à combattre son beau-père, trop âgé pour être appelé. Il n'empêche que cette guerre fratricide l'emporta un soir de novembre 14 alors qu'il faisait déplacer sa batterie en tant que lieutenant d'artillerie. Un obus de 75 lui tomba dessus, on ne retrouva que sa plaque d'identité et encore en piteux état. Pour Birgit commença une vie de deuil et de souffrance de la séparation des siens. Pas question de retourner en Allemagne. Elle dut fermer l'atelier Delmas, faute d'ouvriers. Possédant des talents de couturière, Birgit ouvrit dans son appartement un atelier de modiste et gagna rapidement une clientèle de veuves attirée par ses prix raisonnables et peu regardantes sur son accent. « Elle est jolie, votre robe, elle vient d'où ?»« De chez l'Allemande, vous savez, celle qui... » Peu à peu, Birgit fit sa pelote. Après la guerre, elle reprit des contacts normaux avec sa famille. Dès 1933, elle s'inquiéta des idées qui se propageaient en Allemagne. Son frère la mettait discrètement au courant des violences et des exactions des nazis. Il savait à quoi s'attendre si rien n'arrêtait l'ascension de Hitler. Dès l'occupation de Paris, l'attitude des voisins du quartier changea de nouveau à son égard. On se remit à l'appeler la Boche, et une ou deux vieilles clientes lui enlevèrent leurs pratiques. Pourtant, elle combattait à sa façon l'occupant, ne se privant pas, dans les conversations chez les commerçants ou auprès de ses clientes, de mettre en garde les gens du quartier sur toute collaboration avec l'occupant. « Je les connais, moi. Je sais de quoi ils sont capables. Plus vous les aiderez, plus longtemps vous resterez leurs esclaves. » Propagande contre l'occupant qui lui valut quelques démêlés avec la Gestapo. On la suspecta d'être juive, et grâce au certificat de baptême que son frère lui avait envoyé, elle échappa au convoi vers les camps, mais elle comprit que désormais elle serait toujours sous étroite surveillance. « Alors, Madame Kübler, qu'est-ce qui vous arrive ?»« J'ai du mal à dormir. Tout m'énerve. Les clientes, les voisins, ces nazis, partout. Parfois, j'ai envie d'en finir une bonne fois pour toutes. »« Oula, c'est grave, ça. Allongez-vous et essayez de vous détendre. Je vais vous prendre la tension. » Pour la calmer, Louis lui caressa doucement le dos de la main. Elle avait été une de ses premières patientes et lui rappelait toujours ses débuts. Il lui vouait pour cela une certaine affection. « Je sais que c'est encore plus difficile pour vous que pour une Française d'origine. Vous avez eu beaucoup de courage, Madame Kübler. Vous êtes un exemple pour nous tous. »« Vous savez, » reprit-elle plus calmement, « tous les Allemands ne sont pas nazis. Vous mettez tout le monde dans le même sac. En Allemagne aussi, il y a tous les jours des arrestations, des exécutions, et ce ne sont pas toujours des Juifs qu'on tue. Les règlements sont les mêmes que pour les Français. Fermer sa gueule et obéir. Là-bas aussi, on dénonce à tout va, on torture, on fait disparaître les gens. » Mais si personne ne fait rien, la France disparaîtra jamais et nous vivrons éternellement sous le régime nazi. » Cette femme de 70 ans dégageait une force et une énergie peu communes. Si tous les Français avaient été comme elle, nous n'aurions pas tardé à nous débarrasser de l'envahisseur. Vous avez beaucoup de tension, Madame Kubler. Je crois que c'est surtout de la tension nerveuse. Il faut éviter les excitants, le café, l'alcool. Évitez aussi de vous mettre dans des situations où vous savez que vous allez vous énerver. Bon, alors pour le café, il faudrait que j'en aie. L'alcool, idem. Quant aux situations qui m'énervent, commencez par faire disparaître tous les uniformes vert de gris qui nous entourent, y compris ceux de vos voisins de palier. Vous voyez ce que je veux dire. Madame Kubler, vous non plus, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Je vous expliquais que mes voisins n'étaient pas allemands mais alsaciens, et qu'au moins l'un d'eux porte l'uniforme bien malgré lui. Ils auraient pu fuir ou déserter s'ils n'étaient pas d'accord. Les nazis se seraient vengés sur leur famille. Oh, et puis vous m'énervez, tiens. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire, mes voisins? Ils essaient d'arracher aux griffes de la Gestapo un couple juif de mes amis. Et croyez-moi, à ce jeu-là, ils risquent très gros. Vous allez vous faire monter la tension, docteur, dit-elle en souriant. Faisons la paix. En tout cas, j'étais soulagé d'apprendre tout à l'heure que la concierge du 10 avait cané. Quelle peau de vache, celle-là! Elle aura fini de faire du mal. Si celle du 25 de ma rue pouvait aussi casser sa pipe, ça ferait des morts en moins. Ah bah, pourquoi? À cause d'elle, trois familles ont été emmenées à Drancy la semaine dernière. Elle a dénoncé aussi l'épicier qui a été arrêté. Personne ne sait où il est. Bon, d'accord, il trafiquait un peu, tout comme Madame Lacaze, d'ailleurs. Mais ces problèmes-là, j'estime qu'il vaut mieux les régler entre nous, sans faire appel à la Gestapo. Sans y prendre garde, Louis répéta machinalement, « La concierge du 25. » Ce à quoi Madame Kubler répondit, « Eh oui, la concierge du 25. » Puis une fois sur pied, elle ajouta, « J'ai vu M. Meyer dans votre salle d'attente. Il a une sale tête, le pauvre. Si vous aviez vu la gueule que lui a tirée Madame Lacaze. » Elle s'est tournée sur son siège pour ne pas croiser le regard du juif. « Vous le connaissez depuis longtemps, Meyer. Vous ne pouvez rien faire pour lui. »« Et vous ?» répondit Louis du tac au tac. « Moi, si je le prends chez moi, vu comme je suis surveillé, il ne vivrait pas 24 heures. »« C'est bizarre. Il n'est pas ressorti de votre cabinet, » ajouta-t-elle le front plissé. « Ne vous inquiétez pas, je ne le laisserai pas tomber. J'ai pensé à lui, mais par prudence, je préfère ne pas vous dire comment. » Moins vous en saurez, mieux cela vaudra pour tout le monde. » Louise reconduisit Madame Kubler. Soudain, sur le seuil, elle pila net. « Je viens d'entendre un rire d'enfant, » fait-elle, l'œil étincelant de joie et de malice. « Oui, c'est au-dessus, ce sont de nouveaux locataires. Docteur, ne me prenez pas pour une gâteuse, ça vient de derrière cette porte. Je savais bien que vous étiez un homme bon, vous m'en avez fait douter tout à l'heure. Pour votre femme, je savais, mais pour vous, je commençais à me poser des questions. » « Mais maintenant, je suis rassuré, » dit-elle dans un sourire, en lui serrant fort la main. « Mais, Madame Kubler ?»« Oui, oui, docteur. »« Et je me doute de qui il s'agit, » ajouta-t-elle à voix basse, en désignant la porte du menton. « C'est bien. Vous ne m'avez pas déçu cette fois. Soyez prudent, très prudent. » Louis ne savait que penser. Il crut qu'il était inutile de dire quoi que ce soit. « Allez à Jacques Taest. De toute façon, il verrait bien. » Il était maintenant près de 5h30. Trois patients en plus de 2 heures, ce n'était pas aujourd'hui qu'il ferait fortune. Disons qu'il occupait son temps. Heureusement qu'il avait quelques loyers qui lui permettaient de tenir le coup. La tête bourdonnante de pensées contradictoires, Louis poussa la porte du salon. David était étendu sur le canapé, la tête sur le ventre d'Odette, qui lui lisait un conte norvégien avec beaucoup d'intonation et de conviction. La pièce baignait dans une douce tiédeur. Odette avait su chasser les odeurs de tabac froid, et un agréable parfum de pâtisserie et de cannelle embaumait l'appartement. Quelle belle image de paix et de sérénité, alors qu'ailleurs des hommes et des femmes se débattaient au milieu des pires tourments. Léopold n'est pas revenu? Pas de nouvelles? Odette tourna simplement sa tête tout en continuant à lire. Il me reste 2 visites en extérieur et je reviens vite. Ah, si tu passes devant chez ce banc, regarde s'il n'aurait pas des crayons de couleur, David a envie de dessiner. Louis avait décidé de ne pas prendre son vélo et de faire un peu de marche. Cela lui permettait de penser tout en flânant, de regarder les gens, les immeubles, les magasins. Il remarqua pour la première fois des affiches qui prenaient le travail en Allemagne. L'une d'elles disait « Votre famille sera heureuse, travaillez en Allemagne. » Une autre « Si tu veux gagner davantage, viens travailler en Allemagne. » Enfin, une troisième le révolta. Elle montrait un homme qui poussait de toutes ses forces un bloc dans un mur en construction. On pouvait y lire le slogan « Chaque heure de travail en Allemagne est une pierre apportée au rempart qui protège la France. » Ce qui signifiait explicitement que le Reich défendait les Français contre tout ce qui n'était pas l'Allemagne, la grande sœur bienveillante, sous le giron de laquelle la France pouvait prospérer, alors qu'au contraire, elle servait de réservoir d'hommes et de matières premières au pan-germanisme démentiel de Hitler. Les états-majors de la propagande allemande prenaient vraiment les Français pour des naïfs. Vaincus certes, mais pas décérébrés. Chez Seban, comme disait Odette, c'était une librairie papeterie, mais depuis 4 ans, le dit Seban, par ailleurs ami de Louis, l'avait vendu à un copain catholique pratiquant pour une somme plus que raisonnable, puis avait été s'établir en Angleterre sur les conseils répétés de Madame Kubla. Au début, Seban avait pensé mettre son magasin en gérance, mais fort de l'expérience des pays déjà occupés, la gérance n'empêchant pas la confiscation des biens, Seban préféra un changement de propriétaire. Un accord sous sein privé stipulait par ailleurs le rachat du bien moyennant une plus-value au retour de Seban à Paris. Plantier, actuel propriétaire, était un brave type réfléchi, pondéré, franc comme l'or, et pratiquement intelligemment les trois vertus théologales. Ils étaient très rapidement devenus amis. Son magasin était juste en face du numéro 25, Louis le remarqua alors. C'était la concierge de cet immeuble qui avait suscité la haine de Madame Kubler. À travers la vitrine, pendant que Plantier farfouillait dans son bazar, il observait le trottoir d'en face. La concierge dont lui avait parlé Madame Kubler était justement en train de s'activer à petits pas devant l'entrée de son immeuble. Imaginez un fût de chêne surmonté d'une boule et recouvert d'un tablier. On pouvait se demander si cette femme était capable de se plier en deux sans se casser. Ses cheveux raides, couleur filasse et coupés courts, ajoutaient encore à son aspect de marotte. Louis remarqua qu'elle boitait bas et que chaque pas lui coûtait une grimace. « Tu connais la concierge d'en face, Plantier ?»« Ouais, c'est une vraie peau de vache. » On se demande pourquoi Dieu a fabriqué de tels avatars. Il paraît que son sport favori est la dénonciation. C'est malheureusement vrai. Ça me fend le cœur, comme disait Pagnol. Je n'oublie jamais de la saluer bien bas, car elle m'a dénoncé après m'avoir piégé comme une professionnelle de la Gestapo. Figure-toi que l'autre jour, elle me demande un ouvrage de Joseph Kessel, La passante du sans-souci. J'aurais dû me méfier, car ce n'est pas le genre de littérature que lisent les concierges en général. Moi, bonne poire, je vais farfouiller dans mes stocks pour lui trouver l'ouvrage. Finalement, elle fait la fine bouche et me laisse le livre sur le bide. Or, tu sais que Kessel fait partie de la liste auto, la liste d'ouvrages et d'auteurs interdits par la censure allemande. Le lendemain matin, j'avais une descente, dit. Ils m'ont passé le stock au crible et ont tout emporté. La prochaine fois, m'ont-ils dit, c'est la prison. Tu te rends compte, le genre de charogne que c'est. En sortant du magasin, Louis traversa un peu plus loin et passa ostensiblement devant la concierge. Il la salua courtoisement, mais ne put s'empêcher de lui dire « Vous semblez avoir mal quelque part, madame. Qu'est-ce que ça peut vous faire? On se connaît. Non, mais je suis médecin. Je peux peut-être vous aider. Ah, parbleu, alors c'est différent. Ah oui, que j'ai mal. Venez dans ma loge. » Au milieu d'un bazar innommable, elle exhiba une vilaine plaie qui déchirait sa cheville. La peau de ses jambes était tendue à en éclater, avec une vilaine couleur verdâtre cartographiée d'un réseau de petites veinules bleuâtres. Les pieds viraient au gris de n'avoir pas vu l'eau depuis longtemps. « Je me suis fait ça en m'accrochant à une grille dans la cour, ça ne veut pas guérir. » La plaie était en train de s'infecter gravement, et Louis craignit qu'elle ne fasse un beau tétanos. Il avait heureusement dans sa trousse de quoi la soulager efficacement et commença ses soins. Après avoir nettoyé, désinfecté et pansé la plaie, il eut l'idée de lui faire une injection de pénicilline pour retarder l'éventuelle attaque du bacille. Quoique, après réflexion, elle eut tout de même droit à sa piqûre. Mais quelle piqûre! Chacun sait que le mieux est l'ennemi du bien. Il laissa finalement la concierge à ses malheurs et décida d'aller s'occuper du dernier patient à voir. Dans le calme du soir à venir, ses pas sonnaient clairs sur le ciment du trottoir. Les rues étaient quasiment désertes. En venant chez Plantier, un petit homme en vélo l'avait suivi et c'est la seule personne qu'il avait rencontrée. Pour leur tour, quelqu'un aussi le suivit, un homme assez grand, sanglé dans un grand imper malgré la douceur de l'air. Il passa chez son dernier patient, un petit vieux qui se remettait assez difficilement d'une bronchite, puis il reprit le chemin de la maison. Un autre homme le suivait maintenant, à une trentaine de mètres, la dégaine d'un ouvrier qui rentrait du boulot. Pourtant des ouvriers, il n'y en avait guère qui habitaient le quartier. « Deviendrai-je paranoïaque ?» pensa-t-il. Dans le salon, Léo et Hans avaient approché les fauteuils de la fenêtre ouverte du balcon. Fumant à petites goulées, ils contemplaient le crépuscule rosé. Mais leur regard portait loin, bien loin, peut-être au bord d'un pré ou d'une rivière en Alsace, tenant par la taille une femme pieds nus en robe à fleurs, loin de la guerre et de ses violences. Odette était toujours assise dans le canapé, la tête de David sur son ventre. Elle caressait distraitement ses cheveux en rêvant elle aussi. L'arrivée de Louis troubla le calme de ce moment, chacun changea légèrement de position et finalement, Léo lança. « Alors, Toubib, tes malades ne sont pas morts ?»« Non, mais ça viendra. Et toi, tu as des nouvelles ?» Il faisait évidemment allusion à la situation des îles Bord. Léo se redressa dans son fauteuil avec un sourire. « Je sais où ils sont. »« Ich habe mich erkundigt. » »« Je me suis renseigné. » La tête de David se souleva alors, il laissa tomber calmement. « Je comprends parfaitement l'allemand. Alors ne vous fatiguez pas pour moi. Continuez en français. » Léo et Louis échangèrent un regard en coin. Après tout, il valait mieux que David fût tout de suite informé de la situation de ses parents. Ils sont à Drancy. Mais je pense qu'ils vont y rester un moment. La Gestapo garde les médecins pour soigner les prisonniers. C'est que, tu comprends, il faut que ces juifs arrivent vivants dans les camps, sinon ça ferait chuter l'effectif. Il faut tenir les quotas. Tout faire pour collaborer avec zèle et loyauté. Tu penses bien que ce n'est pas par humanité qu'ils les soignent. Ça va nous laisser un peu de temps pour trouver une solution. En attendant les pauvres, ils vont en avoir de belles. Les infos que j'ai sur ce camp sont à peine croyables. Rien n'est vraiment organisé. L'approvisionnement est insuffisant, l'hygiène inexistante, les conditions d'hébergement déplorables, certains appartements n'ont pas de fenêtres et... Mais Louis se tut soudain, comprenant au regard alarmé de Léo et d'Odette qu'il avait oublié la présence de David. Ce dernier, fin comme un jeune renard, secoua la tête en disant « Ça, je le savais déjà. Un copain de papa l'avait raconté. » « Pas la peine de réfléchir sans 7 ans, Louis. La solution, nous l'avons déjà trouvée. Écoute. » « Je pense que tu sais qui est le Sturmbannführer Bömmelburg, Karl Bömmelburg. C'est le chef de la Gestapo de Paris. Et le responsable des déportations, non ?»« Ouais. J'ai quelquefois affaire à lui pour organiser les convois de ravitaillement. » « Figure-toi que ce fumier souffre de colique hépatite. À chaque fois, il me bassine avec ça. Et j'ai mal ici, et j'ai mal par là. C'est insupportable, et patati, et patata. » Tout à l'heure, je l'ai appelé pour le service, et je lui ai demandé des nouvelles de sa santé. Dès qu'il a entamé son couplet de plaintes, je lui ai dit que j'avais peut-être un toubib qui pouvait le soulager efficacement. « Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore déjà dans mon bureau » a-t-il hurlé. « C'est un juif, » je lui ai répondu. « Je m'en fous, trouvez-le-moi, amenez-le-moi. »« Bien, » j'ai dit, « mais je vais avoir du mal. Je ne sais pas s'il est déjà parti dans un camp. » La réponse a été péremptoire. « Démerdez-vous, Müller. » « Voilà, tu as compris le topo. Ce toubib qui fait des miracles, c'est ton copain Zilbor. »« C'est vrai que mon père soigne bien les maladies du foie, » précisa David, nous montrant ainsi qu'il n'avait pas encore perdu une miette de ce qui s'était dit. « Demain, nous allons nous pointer à Drancy avec Hans. » Nous allons sommer le capitaine du camp de nous remettre le couple, sur ordre express de Bömmelburg. On verra bien si ça marche. Et après ? Demanda Louis. Après, on amusera, docteur Vogel. Mais si on te laisse les sortir ? Tu ne vas tout de même pas les amener boulevard Victor Hugo chez Bömmelburg ? Mais non, ballot, sur leur tour, nous serons victimes d'un attentat. Nous allons mettre cela minutieusement au point. Louis jeta un coup d'œil à David. Son regard avait repris l'éclat de l'espoir naissant. Louis ressentit soudain un pincement au cœur. Si le coup réussissait, cet enfant ne serait jamais le sien. Il en éprouva une déception mêlée à l'apaisement d'un retour à la norme. Mais cet épisode avait ouvert en lui une porte. Après tout, qui les empêcherait d'adopter pour de bon un petit orphelin? Bon Dieu, ce n'était pas ce qui manquait par les temps qu'il courait. Est-ce qu'Odette éprouvait le même sentiment? À voir son visage, Louis en fut persuadé. Il réalisa un peu tard ce que venait de dire Léo. « Un attentat? Qu'est-ce que c'est encore que ce plan foireux? Ça m'embêterait de perdre 4 amis en même temps. J'ai l'impression que tu déconnes complètement, mon pote. En attendant, j'ai du concret, moi. Nous allons passer à l'action tout de suite. » Louis explique alors à Léo et Hans qu'il allait falloir aller chercher Rachel, la femme de Meyer, avant qu'elle ne se fît embarquer par la Gestapo. Il leur fallait aussi passer chez Zilbor récupérer les affaires de David. Léo et Hans se mirent en tenue. Quant à Louis, malgré la saison, il enfila un vieil imper complété d'un feutre pour se faire passer pour un flic français. Il prit la petite Mercedes kaki, voiture de fonction de Léo. Arrivé dans la rue de Meyer, Louis repéra l'entrée de l'immeuble, coincé entre 2 commerces, un coiffeur et une boucherie, tous 2 fermés à 7 heures. rien à craindre de ce côté-là. Le couloir était étroit et sombre. N'ayant pas trouvé le bouton de la minuterie, ils eurent du mal à se repérer. L'air sentait le moisi et le salpêtre. Finalement, Hans, aidé de son briquet, finit par dénicher l'interrupteur. Une ampoule faiblarde pendouillant du plafond éclaira chichement la cage d'escalier. « Je vais y aller tout seul, » dit Louis à voix basse, « car si Rachel aperçoit vos uniformes, elle va se mettre à pousser des cris de bête qu'on égorge. Vous montrez quand je vous le dirai. » Il grimpa au premier et gratta à la porte des meilleurs. N'obtenant pas de réponse, il approcha sa bouche du panneau et appela « Rachel, c'est moi, Louis !» En réponse, il perçut une vague plainte. Il tourna le loquet de la porte non fermée à clé et renouvela son appel. « Viens, je suis là !» lui fit une voix chevrotante et pleine d'alarme. Il éclaira le petit vestibule dans lequel donnaient trois portes, celle de la cuisine, de la chambre et de la salle à manger. Rachel était dans cette dernière pièce, dans un fauteuil près de la fenêtre. Aïe, aïe, aïe, se lamenta-t-elle. Où il est, Adam? Ils l'ont arrêté, je le savais. Je l'avais dit de ne pas bouger. Ah, je vous en prie, Rachel, ne commencez pas à bramer. Vous allez ameuter tout l'immeuble. Adam est vivant, bien portant, il est chez moi, en sécurité, et je suis venu vous chercher. Il lui expliqua alors qu'il était accompagné de deux amis habillés en tenue allemande pour tromper les voisins et les patrouilles. Rachel lui sembla avoir encore grossi. Ça allait être du sport de la porter jusqu'à la voiture. « Tu es gentil, Louis. Adam était sûr que nous pouvions compter sur toi. » Louis appela alors discrètement Léo et Hans, qui entrèrent sans bruit dans l'appartement. À leur vue, Rachel eut tout de même un haut-le-cœur, ses uniformes signifiant pour elle tant de malheur et de souffrance. « N'ayez pas peur, madame, nous sommes des amis. » Le parfait accent français de Léo finit de rassurer Rachel. Louis lui demanda de lui indiquer les objets ou papiers essentiels qu'elle comptait emporter. « Juste le nécessaire, » il précisa. « Tant pis pour le reste. Pense à ceux qui n'ont pas eu le choix. » Rachel réfléchit dans la demi-obscurité, puis lui demanda d'ouvrir tel et tel tiroir d'où il retira des papiers et quelques billets qu'il fourra dans ses poches. Pendant quelques minutes, Rachel laissa errer son regard sur ce qu'avait été sa vie pendant des années, chaque meuble, chaque objet lui rappelant une foule de souvenirs. Finalement, deux larmes glissèrent lentement sur ses joues couperosées. « Je suis prête, » laissa-t-elle tomber tristement, l'espoir de retrouver son mari atténuant son chagrin. Louis saisit Rachel par les pieds, tandis que Hans, plus costaud, la souleva par les aisselles. Sur le palier, la porte d'en face entrebâilla, et un museau prudent jeta un œil curieux. À la vue des uniformes, la porte se referma brutalement. C'était parfait. Tout le quartier serait le lendemain au courant de l'arrestation des meilleurs, et personne ne pourrait plus les dénoncer. Sur leur tour, ils s'arrêtèrent chez Ilbor. La loge de la concierge était fermée, et l'on pouvait pénétrer dans l'immeuble comme dans un moulin. Dans leur précipitation, les flics n'avaient pas mis les scellés, et Louis avait toujours possédé une clé de la porte. Il remplit une vieille valise avec les affaires choisies par David, puis redescendit précipitamment l'escalier. Dans l'entrée, un vieil homme ayant enfilé un manteau par-dessus son pyjama, flanqué d'un petit roquet, lui fit, d'un ton inquisiteur, « Vous cherchez quelque chose, monsieur ?»« Police !» fit Louis d'un ton ferme. « Et le couvre-feu, allez, circulez, occupez-vous de vos affaires. » Le voyant monter dans la Mercedes de laquelle dépassaient des manches galonnées, il n'eut plus de doute sur la qualité de Condé de Louis. Rue Tournefort, l'appartement du dessus devait être maintenant prêt pour les meilleurs. Les Fogel avaient conservé les meubles de la précédente et défunte locataire, après avoir vainement attendu que les héritiers vinssent les chercher. Tous les 15 jours, la bonne venait prendre les poussières et aérer les pièces. Dans l'après-midi, Odette, aidée de Meyer, avait dû mettre des draps propres au lit, et le vieil imprimeur avait certainement passé le balai et la serpillière. De retour dans l'immeuble, une nouvelle péripétie les attendait. Juste au moment où Hans gare la voiture dans la cour intérieure, la sirène lugubre d'une alerte retentit. « Pas question de croiser tous les locataires dans la cage d'escalier, » dit Léo. « Nous allons attendre dans la voiture qu'ils soient tous descendus aux abris. » Au bout de quelques minutes, la voie sembla libre, et ils empoignèrent Madame Meyer pour la conduire au second étage. Malgré le peu de bruit qu'ils avaient fait, la porte était déjà ouverte sur un Meyer allumé. À la vue des uniformes allemands, il balança entre la peur, la stupeur et l'incompréhension. En franchissant la porte, Léopold lui dit à voix basse « Ne vous inquiétez pas, nous sommes des amis. » « Ne t'affole pas, Adam, tu peux leur faire confiance. Ce sont eux qui m'ont sauvé avec Louis. Nous leur devons une reconnaissance éternelle. » Ce sont des résistants ? Demanda Meyer. Non, Adam, je vais vous expliquer. Et rapidement, Louis le mit au courant de la situation un peu particulière qu'il allait devoir désormais partager, en même temps que le secret garant de leur sécurité à tous. Il sortit de ses poches tous les fafiots que Rachel lui avait demandé de prendre et les posa sur la table. Meyer était très satisfait, mais Louis sentit à son regard inquisiteur sur ses poches qu'il attendait encore quelque chose. Il le tint en haleine quelques secondes, puis il lui dit « J'ai oublié un truc, Adam ?»« Ben... » Triomphant, Louis exhiba de sa poche la fameuse médouza qu'il avait décrochée tout à l'heure du chambranle de la porte et à laquelle sa femme n'avait pas pensé. « C'est ça que vous cherchiez ?»« Ah !» s'exclama Rachel. « Tu sais, moi je l'avais oublié. »« C'est Léopold qui m'a fait penser, » précisa Louis en montrant son ami. Meyer, la larme à l'œil, serra avec effusion la main de Léo. Sa gorge n'arrivait pas à prononcer un remerciement. « Et ne la mettez pas bien en évidence à l'entrée. Placez-la dans un endroit caché. Méfiez-vous, les flics sont maintenant formés, aucun détail ne leur échappe. » En sortant, Léo remarqua la veste de Meyer suspendue au porte-manteau, souillée de l'étoile jaune. Il arracha vivement le morceau de tissu et le tendit à Adam. « Ça, monsieur Meyer, c'est le symbole de la bête et de la mort, brûlez-le. » Son intonation trahit toute l'émotion qui les traînait et qui les gagnait tous. Ils échangèrent mutuellement en regard pour s'assurer que chacun était bien en communion de pensée en ce moment qui prenait soudain une dimension mémorable. Louis eut le net sentiment que Léo, lui, ne se verrait pas vieillir et que chacun ce soir était une feuille ballottée au gré du maelstrom qui les engloutirait certainement. La journée avait été tellement éprouvante que Louis peina à trouver le sommeil. Il tourna et se retourna sur sa couche et à la respiration d'Odette, il sut qu'elle aussi ne dormait pas. « Qu'est-ce que nous allons faire, Louis ? Je crois que nous nous sommes fourrés dans un sacré pétrin. »« Je ne sais pas. De toute façon, maintenant, il faut faire avec. Pour les meilleurs et pour David. »« Tu te rends compte que si la Gestapo fait une descente dans l'immeuble, en tant que propriétaire, ta responsabilité est directement engagée ?»« Il nous faut absolument des faux papiers pour les meilleurs. Et encore, on ne peut compter que sur la médiation de Léopold. »« Mon Dieu !» Louis avait vécu cette journée comme une initiation. Jusqu'ici, les malheurs des Juifs avaient fait partie de la toile de fond de sa vie. On finissait par s'habituer à tout. Avec l'arrestation des Zilber, la barbarie nazie l'avait touché de plein fouet. Il avait dans la bouche un goût amer de sang et de terre qu'il n'avait jamais connu, même pendant les moments les plus pénibles de ses études et de sa carrière. Désormais, le sort des Juifs, c'était aussi son affaire. Mais il voyait mal, pour l'instant, ce qu'il pouvait faire, à part aider les meilleurs et élever David. Oh, il avait bien eu une réaction aujourd'hui, qui lui avait prouvé qu'il était capable de passer aux actes, ou en tout cas qu'il y était prêt.